chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Le chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Il y a des casiers carrés de tous les côtés. Malik y range ses pchit-pchits. Malik y range ses pchit-pchits. Il y a des casiers carrés de tous les côtés. Malik y range ses pchit-pchits. Malik y range ses pchit-pchits. Et le chariot est orné d'un joli crochet pour accrocher son balai. Pour accrocher son balai. Et le chariot est tourné d'un joli crochet pour accrocher son balai. Pour accrocher son balai.